Mais ce duo de tendresse est interrompu par l'arrivée de Dorante, le prétendu valet bourguignon. Et comme Lisette, dans son rôle de maîtresse, tient ensuite, devant Sylvia, des propos désobligeants envers Dorante Bourguignon, Sylvia demande à rester seule.